Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, l'histoire du plastique, ou plus précisément des matières plastiques. PVC, polystyrène, polyéthylène, polymère, beaucoup de poly, mais pas très poly avec l'environnement, non. Le plastique, c'est même tragique, tant il a envahi la planète en quelques décennies. Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, cette matière manufacturée a révolutionné nos vies. Elle a été la grande alliée du progrès technologique, mais également le symbole de la société de consommation, de la mondialisation et de ses effets pervers, de la dépendance au pétrole aussi, d'une société du tout jetable et de l'irresponsabilité des pays et des entreprises face à la pollution. Pour se rendre compte de l'étendue du problème, un chiffre saisissant. En 2016, dans le monde, 480 milliards de bouteilles en plastique ont été produites, vendues et jetées quelques minutes après usage, et moins de 7% ont été recyclées. Ici du grec ancien plasticos, qui signifie propre au modelage, et seulement au modelage, le plastique est partout. Et si nous continuons à le déverser après usage, sans précaution et sans conscience, à l'horizon 2050, il y aura plus de plastique au fond des mers que de poissons. Notre invitée aujourd'hui, Nathalie Gontard, directrice de recherche à l'Institut National de la Recherche Agronomique, l'INRA. Spécialisée dans les questions d'emballage alimentaire, elle développe des solutions pour réduire la masse des déchets en plastique. Affaires sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Adrien Mora, coordination Christophe Barrère, réalisation Hélène Bizio. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Nous utilisons le plastique depuis si longtemps que nous sommes en passe de plastifier notre planète. Il est très difficile de trouver un endroit sur Terre sans plastique. Il est choquant de constater que nous n'avons plus de contrôle sur ce matériau. Le plastique est en train de conquérir chaque recoin de notre planète. Et il a déjà atteint notre chaîne alimentaire. Il y a même du plastique dans la glace de l'Arctique. Et même dans l'espace, sous forme de déchets spatiaux. Partout où vont les humains, ils laissent un peu de plastique. Voilà le constat alarmant de Heather Leslie, une toxicologue, qui s'exprime dans le documentaire « Plastique partout, histoire de déchets » diffusé sur Arte l'an dernier. Mais il y a 20 ans déjà, le navigateur Charles Moore alertait l'opinion publique. C'était en 1997 et l'homme venait de faire une découverte qui l'a scandalisé. Après une troisième place obtenue lors d'une course à la voile entre Los Angeles et Hawaï, Charles Moore et son équipe décident de rentrer à leur port d'attache pour une route peu fréquentée, celle du tourbillon du Pacifique Nord. Avec trop peu de vent pour les voiliers et pas assez de poissons pour les pêcheurs, personne ne s'aventure dans cette zone. L'embarcation de Charles Moore est donc seule au milieu de l'océan Pacifique. Lors de la traversée, le navigateur retrouve pourtant toutes les traces de la société de consommation. Des brosses à dents, des bouteilles en plastique, des jouets pour enfants, des couches et des sacs qui flottent, toujours en plastique. Charles Moore est atterré. Il a découvert ce qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de septième continent. Une étendue de déchets équivalente à plus de 3 fois la superficie de la France. Oui, une décharge en pleine mer, loin des hommes, mais près des animaux marins. Souvent confondus avec du poisson, des morceaux de plastique sont pêchés par des albatros pour nourrir leur progéniture. Des scientifiques ont eu la malheureuse surprise de trouver des cadavres de bébés albatros avec un estomac rempli de plastique. Et le même sort est réservé aux baleines. Aux Philippines, en mars 2019, une baleine est retrouvée morte avec 40 kilos de plastique dans les entrailles. Espagne, Californie, Thaïlande, Indonésie, chaque semaine, ce sont aussi des cachalots et des dauphins qui sont retrouvés morts sur les plages du monde entier. Sicile, mai dernier, nouveau drame du plastique avec la découverte d'un cadavre de baleine. La militante italienne Greenpeace s'indigne. 5 baleines se sont échouées au cours des 5 derniers mois sur la côte italienne. La mer nous envoie un cri d'alarme, un SOS désespéré. Nous devons prendre des mesures immédiates pour sauver les merveilleuses créatures qui l'habitent. Nos déchets tuent, c'est une certitude. et personne ne pourrait rester insensible à cette scène du documentaire Plastique partout, histoire de déchets. Car on y voit une tortue de mer qui agonise à cause d'un objet coincé dans le nez. Une secouriste force avec sa pince pour libérer la tortue, mais le sang coule. Après quelques secondes douloureuses, une paille en plastique, oui, en plastique, est arrachée. Cette tortue est sauve, mais combien d'autres meurent chaque jour ? Tes images sont terribles, mais il y a plus grave. Cette soupe de plastique n'est que la face visible d'une pollution immensément plus grande. Il y a des millions de tonnes de plastique qui coulent dans les profondeurs des océans sous la forme de micro ou nanoparticules. Des chercheurs ont trouvé des traces de plastique dans de minuscules crevettes vivant dans la fosse des Mariannes à plus de 11 km de profondeur. Pour Gabi Gorski, chercheur au CNRS, on paye désormais le prix fort d'une démarche irresponsable et dangereuse. On a considéré jusqu'à maintenant que l'océan c'est un tapis et qu'on peut soulever le tapis et mettre tous les saletés de la maison sous le tapis, on rabat le tapis, on ne voit plus rien. Et maintenant on voit. Avant on ne voyait pas parce que l'océan est grand, les choses étaient diluées et maintenant on voit. Et on voit de plus en plus et on mange de plus en plus nos saletés qui atterrissent dans les océans. Nos mégots de cigarettes, c'est des années que ça peut naviguer dans les océans, de rentrer dans les estomacs des poissons et revenir sur nos assiettes. Eh oui, nos mégots vont ensuite nous asphyxier. Et pourtant, le plastique n'a pas toujours été un problème. Pendant des décennies, c'était même la solution. En 1967, c'est la sortie du film Lauréat, chef-d'œuvre du cinéma américain. Dustin Hoffman y incarne Benjamin Braddock, un jeune diplômé qui revient chez ses parents passer les vacances d'été et réfléchir à son avenir. Lors d'une fête, un homme prend à part le jeune étudiant et lui lance « Je voudrais juste te dire un mot, juste un mot. Oui, monsieur. Vous m'écoutez bien ? Oui, monsieur. Plastique. Comment dois-je comprendre ça ? Le plastique, jeune homme. C'est l'avenir. Pense-y. » À cette époque, dans les années 60, l'industrie du plastique est effectivement en plein boom. Acier, bois, caoutchouc, toutes ces matières sont supplantées. Dès 1957, Roland Barthes prédisait dans Mythologie « La hiérarchie des substances est abolie, une seule les remplace toutes, le monde entier peut être plastifié et la vie elle-même, puisque, paraît-il, on commence à fabriquer des aortes en plastique. » Mais oui, des vies en plastique, c'est ce que nous promettaient déjà les commentateurs des années 60. Dans un grand reportage intitulé « L'avenir du plastique » et diffusé en 1961 sur l'ORTF, les perspectives envisagées pour cette matière sont excellentes. Le monde que nous découvrons ici n'est pas celui de l'anticipation, c'est le monde de tous les jours avec ses objets familiers. Le monsieur qui conduit sa voiture, la ménagère qui passe l'aspirateur ou qui moue son café, l'enfant qui joue, l'enfant qui rêve aussi. Chacun dépend déjà de cette chimie des grosses molécules récentes, mais en plein essor. Les possibilités de développement sont encore considérables, puisque la consommation par habitant et par an dépasse à peine 6 kilos en France contre 12 kilos aux États-Unis. Ce gigantesque développement s'est appuyé jusqu'à ce jour sur les sous-produits du charbon. Il sera facilité demain par la progression rapide de la pétrochimie. L'histoire du plastique commence en 1907. Après plusieurs tentatives, le chimiste belge Leo Hendrik Beckland trouve la formule de la bakélite, l'une des toutes premières matières plastiques synthétiques. À l'époque, elle est utilisée pour les boîtiers téléphones, les cendriers, les poignées de casserole et les prises électriques. Jusqu'aux années 70, le plastique va connaître un formidable développement avec l'apparition de nouvelles matières. La Seconde Guerre mondiale accélère la recherche de nouvelles formules. Car sous l'appellation de plastique, on regroupe des substances chimiques créées de façon très différente. Dans le documentaire Planète Plastique, réalisé en 2011 par Werner Bothe, un chercheur explique. Le plastique, voyez-vous, c'est un peu comme un Lego pour adultes. En assemblant des petits cubes, on crée des choses qui ont des fonctions et des caractéristiques qu'elles n'avaient pas auparavant. Ainsi, on attribue à la matière différents atouts, légèreté, résistance, transparence, élasticité, les possibilités sont nombreuses. Et bien souvent, c'est la même base qu'on transforme, le pétrole. Aujourd'hui, 8% de la production pétrolière mondiale est consacrée justement à la fabrication du plastique. On a du mal parfois à imaginer comment cette matière visqueuse qu'est le pétrole, qu'on appelle l'or noir, peut se transformer en autant d'objets différents. C'est la magie de la chimie, mais c'est bien la seule. Ainsi, il y a eu l'âge de pierre, l'âge de bronze et l'âge de fer. Nous sommes désormais dans l'âge du plastique. On prend généralement l'année 1950 pour situer le début de cette nouvelle ère. En l'espace de quelques années, le plastique révolutionne en effet de nombreux domaines. L'industrie de la musique avec les disques en vinyle, mais également la médecine, l'automobile, l'aéronautique, l'aérospatiale. L'explorateur Paul-Émile Victor, chef des expéditions polaires françaises, se félicite de cette révolution qui permet de fabriquer des carrosseries légères et bien isolantes pour les véhicules avec lesquels il circule sur la neige et dans le froid de l'Arctique ou de l'Antarctique. Victor admet aussi l'avantage de la vaisselle en plastique sur celle en métal. Eh oui, on ne se brûle pas les lèvres lorsqu'on boit du café chaud et les doigts ne restent plus collés au verre quand il fait moins 20 degrés. Enfin, à la maison, le plastique a complètement transformé le contenu des placards dans la cuisine. En quelques années, des boîtes en cette matière ont fait leur apparition. Les tupperwares, devenus phénomènes de société, comme le montre ce reportage de 1978. Cette petite boîte de plastique, vous ne la trouvez pas dans le commerce. Pour l'acheter, il faut participer à des réunions autour d'une tasse de thé, en présence d'une hôtesse, c'est son nom, qui vous présente ses différents modèles. C'est un procédé de vente directe qui nous vient des États-Unis et qui marche très bien en France depuis de nombreuses années. C'est ce que l'on appelle la méthode Tupperware, puisque ce fabricant est le seul à vendre de cette façon. Mais je vous demanderai de vous approcher, parce que quand on est loin, on ne se rend pas tellement compte. Une ménagère qui met son salon à la disposition d'une démonstratrice, une dizaine de voisines et d'amis invités pour la circonstance, c'est une réunion Tupperware. Une formule de vente directe qui nous vient bien sûr des États-Unis et qui a rencontré en France un succès fulgurant. Est-ce que vous assistez souvent à ce genre de réunion? Une fois tous les deux mois, à peu près. Vous achetez à chaque fois? Oui. Pour combien? Oh, jamais des sommes astronomiques, hein. 5000 francs, à peu près, 50 francs. Sacré tupperware. Le plastique, matière révolutionnaire et bon marché, s'installe donc très vite dans tous les foyers occidentaux. Vaisselle, électroménager, garde-robe, tout est en plastique. De la table en formica au banilon, de la poupée Barbie au Lego, il n'existe pas un domaine où cette matière ne trouve pas une utilité. Marqueur des Trente Glorieuses et symbole de la société de consommation, le plastique, plastoc pour ses détracteurs, s'immisce aussi dans le domaine de l'automobile. Alors qu'en 1950, on en comptait 8 kilos dans une voiture, on en retrouve 5 fois plus en 1967. Comme quoi, le pétrole n'est pas que dans le réservoir. Un événement toutefois va perturber l'irrésistible ascension du plastique, c'est le choc pétrolier de 1973. Rappelons que l'immense majorité du plastique est fabriqué à partir du pétrole, précisément alors. Et évidemment, avec l'augmentation du prix du baril, il n'est plus aussi rentable. En 1974, un journaliste conclut d'ailleurs son reportage en disant « L'ère du plastique, ersatz pas cher qu'on peut jeter après usage, semble bien sur le point de se terminer. C'eût été logique et salutaire, mais il va se passer exactement le contraire. » Notre faux ami va même se développer dans un domaine à forte croissance, l'emballage. Avec l'émergence des supermarchés et des enseignes de grande distribution, le plastique va permettre d'emballer toutes sortes de marchandises, y compris alimentaires. Et l'on doit l'un des grands tournants de cette histoire à la multinationale Coca-Cola. Au début des années 70, Arsène Darnay est contacté par l'entreprise qui envisage de vendre sa boisson dans des bouteilles en plastique. Après plus d'un an de travail, le scientifique livre un rapport qui compare l'impact environnemental des bouteilles en verre par rapport à celles en plastique et aux canettes en aluminium. Enquête dont il expose les conclusions dans l'émission Cash Investigation Plastique la Grande Intox, diffusée sur France 2, enquête réalisée par Sandrine Rigaud pour Première Ligne. Ce que montrent les données, c'est que la bouteille en verre réutilisable, à condition d'être réutilisée 15 fois, est la solution écologique par excellence. On a fait ce rapport à leur demande, mais ils ne l'ont jamais publié. Vous savez pourquoi ? Ils n'avaient aucun intérêt à ce que les gens soient au courant. Pourquoi ? Parce qu'ils ne voulaient absolument pas que l'on sache quelle direction ils allaient prendre. Eh bien, la direction prise est celle de l'emballage tout plastique. En 1975, une publicité vantant les mérites de la nouvelle bouteille en plastique donc, Coca-Cola, est diffusée aux États-Unis. Plus légère et plus solide, mais surtout beaucoup plus rentable pour la firme américaine. Pourtant, un fléau commence à toucher la plupart des sociétés occidentales. Les déchets visibles qui s'accumulent au bord des routes, sur les plages et dans les campagnes. Si le mouchoir en papier ou le trognon de pomme se dégrade en quelques semaines, le plastique lui met des années à disparaître. À vrai dire, aujourd'hui encore, on ne peut pas estimer précisément la durée de vie de ces déchets. Mais l'on peut assurément compter en centaines d'années pour certaines matières. Dans cette société du tout jetable, les entreprises comprennent vite qu'elles risquent d'être visées. Après tout, ce sont elles qui produisent ce genre d'emballage. Mais dès les années 60, elles trouvent rapidement une parade. L'historien Barthelmore décortique leur stratégie dans Cache Investigation. À l'époque, on voit apparaître d'énormes amas de déchets dans tout le pays. Coca-Cola a essayé de réagir. Ils se sont dit, on commence à être pointé du doigt à cause de nos canettes en aluminium et bientôt des bouteilles en plastique. On fait quoi ? Et la solution qu'ils ont trouvée, c'était de rejoindre une association appelée Keep America Beautiful. Quand vous entendez Keep America Beautiful, vous vous dites, ça doit être une ONG créée par une bande de hippies écolos. C'est ce que je pensais. En plus, c'est une organisation connue. Vous la voyez partout aux États-Unis. Mais étonnamment, c'est en fait une création du lobby des boissons et de l'emballage. L'idée, c'était de dire, faisons croire au consommateur que c'est lui le problème. On ne peut pas en vouloir aux entreprises pour tous ces déchets dans la nature. En 1971, Keep America Beautiful diffuse un spot publicitaire pour sensibiliser les consommateurs à la nécessité de préserver la nature. On y voit un Indien en tenue traditionnelle naviguant sur une pirogue. Un long dézoom de la caméra laisse apparaître en arrière-plan des usines avec des cheminées qui fument. Lorsque l'Indien accoste sur la rive, la petite plage est jonchée de déchets. Alors, il s'avance près d'une autoroute. Et là, un automobiliste jette par sa fenêtre un sac poubelle qui atterrit au pied de l'Indien. Le spot présente ensuite son visage en gros plan. Un zoom vient signaler l'alarme qui coule sur son visage. À la fin, les téléspectateurs entendent ce slogan « Les gens sont responsables de la pollution, à eux d'y mettre fin ». Par son aspect émouvant, cette campagne est efficace. Mais l'idée selon laquelle la pollution est une affaire d'incivilité a fait son chemin dans les esprits. Une manière très efficace pour les industriels de continuer leur business en toute irresponsabilité. Genre, c'est pas nous, c'est vous. Si l'on produit du plastique par millions de tonnes, un problème se pose très vite aux ingénieurs du monde entier. Comme l'explique l'un d'eux, un journaliste de l'ORTF en 1971. Est-ce qu'on ne pourrait pas, par exemple, récupérer la matière première et refaire d'autres bouteilles, plutôt que de le brûler ? Alors actuellement, pour nos destructeurs, c'est un problème de technologie. Il n'y a pas d'installation qui permette de récupérer. Des études sont en cours, mais elles ne sont pas encore au point. Autrement dit, on lance sur le marché chaque année des nouvelles matières plastiques sans savoir vraiment comment on pourra traiter les déchets. C'est un peu comme le nucléaire. Le développement industriel d'abord, on verra pour le reste plus tard. Vous avez déjà fait brûler une bouteille de plastique. Vous connaissez l'odeur. Et je ne m'étends pas sur l'épaisseur de la fumée noire. Eh bien, on fait la même chose avec des tonnes et des mégatonnes de plastique, et peu importe ce qui est rejeté dans l'air. Alors même que le système de la bouteille en verre consignée a fait ses preuves dans de nombreux pays, tous les industriels se battent pour qu'il ne soit pas réinstauré. C'est exactement le contraire de la notion de développement durable. Parce que voyez-vous, la consigne, c'est beaucoup moins rentable. Alors tant pis pour l'environnement, cet empêcheur de tourner en rond, ce gêneur qui vient troubler la sacro-sainte loi du marché. Un journaliste de l'ERTF suggère une solution au chargé de gouvernement en 1973, spécialiste chargé par le gouvernement donc d'une étude sur le plastique. Nous lui avons proposé, nous, une solution, supprimer complètement l'emballage en plastique. C'est une solution qui a l'air d'être radicale. En fait, je crois qu'elle est très fausse, parce qu'il ne faut tout de même pas oublier que si le plastique s'est développé à un tel taux de croissance dans le passé, c'est parce que les consommateurs veulent du plastique. Les commodités offertes par le plastique sont considérables. Et si vous adoptiez une telle solution, vous auriez affaire à une émeute de consommateurs très rapidement. Et pourtant, devant l'accroissement de la population du globe, qui aura doublé en l'an 2000, c'est-à-dire dans moins de 30 ans, et d'autre part devant l'ascension vertigineuse du volume des déchets du consommateur, il vient d'être déposé sur le bureau du président Nixon aux États-Unis un projet de loi qui tendrait à interdire l'emballage perdu de toute nature. Or, 95% des emballages en plastique sont de type perdu. Dès le début des années 70, certains citoyens sont lucides. Les sociétés occidentales vont droit dans le mur. En utilisant de plus en plus de plastique à usage unique et sans système de recyclage efficace, la pollution va devenir exponentielle. Mais les lobbies de l'industrie sont là pour défendre leurs intérêts et sur deux principes implacables, les consommateurs veulent du plastique et la pollution n'est que le produit des incivilités, un argument déjà utilisé, auquel les professionnels ajoutent à travers leurs spots publicitaires, tout le monde le sait, le plastique c'est fantastique. Je me sens comme un sac en plastique qui vole au vent. Place de la République, un lundi de septembre. 18h30, les voitures n'avancent pas, le soleil a mis son pyjama rouge. Fabrice Drouel. Les constituants d'une matière plastique, emballage, migrent toujours un peu dans le contenu. On retrouvera dans l'aliment un tout petit peu, ce sont de très faibles doses, mais on en retrouve de ce qu'il y a dans la matière plastique, comme d'ailleurs on en retrouve aussi de ce qu'il y a dans les bouteilles de verre, seulement ce ne sont pas les mêmes produits. Dans le fameux rapport François qui est paru il y a maintenant plus de 4 ans, on soulignait l'importance et la nécessité d'un laboratoire hautement spécialisé dans la mesure, dans la détermination des quantités très faibles de substances qui peuvent passer des emballages dans les aliments. Eh bien, 4 ans après, ce laboratoire n'existe toujours pas. Et ça me paraît un sujet d'inquiétude, non pas la preuve que c'est dangereux, car la preuve que c'est dangereux, nous ne l'avons pas, mais la preuve que c'est absolument sans danger, je crois que nous ne l'avons pas non plus, faute d'un contrôle régulier et suffisant. Dès 1975, François Custeau, directeur d'un laboratoire d'analyse, pointe un autre problème lié au plastique, le risque sanitaire. Pendant des années, les gouvernements ont autorisé la mise sur le marché de matières plastiques sans évaluer sérieusement les risques pour la santé des consommateurs. En 1976, Jean-Pierre Lafond, vétérinaire et PDG d'une société qui commercialise des œufs, décide de revenir à l'emballage en carton. Il déplore, lui aussi, l'absence de laboratoire indépendant capable de mesurer les risques sanitaires du plastique. Il fait d'ailleurs un parallèle avec l'amiante, dont on commence à connaître les risques dans ces années-là. Le grand problème, c'est que les industriels eux-mêmes ne semblent pas avoir conscience des dangers des nouvelles matières qu'ils produisent. Or, si la plupart des plastiques sont composés de naphtha, un dérivé du pétrole, les producteurs y ajoutent également de nombreux adjuvants et additifs servant à améliorer les caractéristiques du produit. On retrouve ainsi des colorants, des anti-UV, des retardateurs de flamme, des antistatiques, des antioxydants, des fongicides, des plastifiants. Un cocktail chimique ignoré du grand public et de toute manière incompréhensible. En revanche, ces dernières années, vous avez sûrement entendu parler des perturbateurs endocriniens. Eh bien, dans le documentaire Planète Plastique distribué par Zotrop Film, le réalisateur autrichien Werner Bothe est allé à la rencontre de plusieurs scientifiques pour comprendre comment ces substances ont modifié notre environnement. L'écotoxicologue Susan Jobling explique ce qui a changé pour les poissons des rivières. La découverte de poissons hermaphrodites dans les rivières et de la présence d'œstrogènes dans les eaux usées permet d'indiquer que les phtalates et bisphénol A modifient le système endocrinien. Ils agissent comme un leurre hormonal. Notre consommation excessive de plastique libère dans la nature des quantités astronomiques de bisphénol A et de phtalates, des additifs pas fréquentables. Le marché du plastique est mondialisé et aucun contrôle de traçabilité sur les substances incorporées dans les matières ne peut être fait sérieusement. Plus grave encore, si le problème des océans inquiète, 97% des déchets plastiques qui ne sont pas incinérés sont enfouis dans les sols, finalement, guère mieux lotis. En Asie, par exemple, la situation est catastrophique. Pendant des années, les pays occidentaux ont exporté une grande partie de leurs déchets plastiques vers la Chine, à tel point qu'en janvier 2018, devant l'ampleur de la pollution sur son territoire, Pékin a décidé de fermer ses frontières à la plupart des déchets. Les Américains et les Européens se sont alors tournés vers la Malaisie, la Thaïlande et l'Indonésie, où les déchets s'accumulent dans d'immenses décharges à ciel ouvert. Dans l'archipel indonésien, les ramasseurs de déchets respirent quotidiennement les vapeurs toxiques émises par ces incinérations. L'association Zero Waste rapporte le cas de Sri, une femme de 50 ans dont le corps est recouvert d'éruptions cutanées irritantes. Elle souffre de maux de tête intenses et ne peut plus respirer sans une bouteille d'oxygène. Ce cas est extrême, mais les risques pour la santé existent pour tout le monde. Dans le documentaire Planète Plastique, la généticienne Patricia Hunt explique comment le bisphénol A agit sur nos organismes. Nous en mangeons, nous en buvons, il pénètre à travers notre peau. Ce composé chimique imite les hormones. Les hormones envoient des signaux aux cellules pour qu'elles agissent. Si les signaux sont envoyés au moment inadéquat et qu'une quantité anormale parvient au fœtus, les hormones peuvent modifier le développement du fœtus. C'est très intéressant. À travers la femelle enceinte, le produit chimique touche trois générations. La mère qui est exposée, le fœtus, et si ce fœtus est une fille, tous ses œufs, donc les petits-enfants. Interdit en France depuis 2015 dans tous les contenants alimentaires, le bisphénol A a été remplacé par d'autres substances potentiellement tout aussi toxiques. Le bisphénol A reste pourtant présent dans de nombreux vieux plastiques. En 2011, le réalisateur Werner Bothe se soumet à une prise de sang pour mesurer son taux de bisphénol A et le résultat est édifiant. In the fluid part of the blood, Dans votre sang, on a trouvé un taux élevé de bisphénol A. La proportion que vous avez dans le corps suffirait à réduire de 40% la quantité de sperme d'un animal. Cela ne signifie pas que vous êtes stérile, mais que vous êtes encore assez fécond pour donner la vie à un bébé anormal. Enough to produce an abnormal baby. Assez fécond pour donner vie à un bébé anormal. Nous vivons désormais dans un monde où les perturbateurs endocriniens sont partout, du pot de yaourt à la veste imperméable, de la poêle anti-adhésive aux jouets en plastique. En 2005, l'Union européenne a adopté le système REACH pour règlement sur l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, censé obliger les industriels à prouver l'innocuité de tout produit mis sur le marché. La Suédoise Margot Wallström, ex-commissaire européenne à l'environnement jusqu'en 2004, explique dans le documentaire Planète Plastique la bataille qu'on a dû livrer auprès des lobbies de l'industrie du plastique. En l'espace de 10 ans, nous avons évalué les risques potentiels de seulement 11 substances sur les 100 000 substances que nous aurions dû analyser. Évidemment, c'est un système qui ne fonctionne pas. And as long as we don't know, as long as we don't have the full information, of course, also industry can say, well, tant que nous ne saurons pas, tant qu'on n'aura pas toutes les informations, l'industrie pourra dire, vous n'avez pas prouvé la dangerosité du produit, alors on continue de le produire et le consommateur continuera à l'utiliser. Il revient toujours au pouvoir public de prouver qu'un produit est dangereux. Ça devrait être l'inverse. Il faudrait que ce soit aux fabricants de démontrer que ce qu'ils produisent et vendent n'est pas nocif. Mais l'industrie chimique a fait un lobbying pressant auprès de la Commission européenne et a réagi de manière très agressive. Tout le problème est là. Comment en effet tester les milliers de substances mises sur le marché sans freiner l'innovation pourvoyeuse d'activités et donc d'emplois ? Avec cet argument, bien souvent les lobbies industriels l'emportent sur le principe de précaution. Alors que tous les signaux sont au rouge, notre dépendance au plastique ne nous permet pas de prendre le recul nécessaire. Autrement dit, nous sommes face à une situation paradoxale qui est bien résumée dans cette discussion entre le neurobiologiste Friedrich von Stahl et le documentariste Werner Bothe. Je dirais qu'à l'heure actuelle, on ne peut pas affirmer qu'il existe du plastique inoffensif. Mais on est toujours en vie. That's a very good point. Très bonne observation. These chemicals, ces produits chimiques ne nous tuent pas. Do not kill you. They just harm your ils ne font que dégrader notre qualité de vie. They give you asthma. Ils provoquent de l'asthme, de l'obésité, des troubles fonctionnels du cerveau. They lead to brain disorders. Mais ces produits m'aident à rester en vie. À l'hôpital, tout est en plastique. Yes. Quand vous irez à l'hôpital pour vos séances de chimio et de radiothérapie qui soigneront votre cancer induit par le plastique, vous vous demanderez, ces matières ont-elles vraiment amélioré ma qualité de vie ? Voilà la question. Aujourd'hui, plus de 40% du plastique utilisé dans le monde est consacré à de l'emballage qui ne sert qu'une fois. Le drame du plastique, c'est aussi son prix. Il est tellement bon marché que depuis 70 ans, on n'a aucun scrupule à le consommer et le jeter. Et hop, tellement simple. Le problème, c'est que notre modèle de croissance ne prend pas en compte l'impact environnemental de la production de tonnes et de tonnes de plastique. Des chercheurs américains ont calculé que nous avons produit plus de 8,3 milliards de tonnes de plastique depuis 1950 et que seulement 9% ont été recyclés, et d'ailleurs, pour être juste, moins de 9%. Les faits ne mentent pas, les chiffres encore moins. Thank you. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui donc l'histoire du plastique avec notre invitée Nathalie Gontard. Bonjour. Bonjour Fabrice. Vous êtes directrice de recherche à l'INRA, l'Institut National de la Recherche Agronomique. Vous êtes spécialisée dans les questions d'emballage alimentaire et vous développez des solutions pour réduire les déchets plastiques. Mais soyons concrets, tiens, sur quoi vous travaillez en ce moment par exemple? Voilà, une petite touche de positif après votre description quand même assez catastrophique du sujet. Alors d'abord, dites-moi, elle est alarmante, mais je ne la voulais pas alarmiste. Non, tout à fait, okay, elle est très réaliste, donc il n'y a aucune critique là-dessus, mais bon, c'est quand même mais c'est, inquiétant. Bien sûr que c'est inquiétant. Alors je travaille à l'INRA, d'abord l'INRA qui a changé de nom récemment, qui s'appelle maintenant Institut National de la Recherche Agronomique et pour l'Environnement, et à Montpellier. Et donc je travaille dans un laboratoire que j'ai créé il y a 18 ans et qui se penche sur l'ensemble du cycle de vie des matériaux qui sont utilisés en agroalimentaire et notamment les emballages. Alors, en d'autres mots, on étudie l'emballage sous toutes ses coutures, de près, de loin. Et on essaie de le rendre utile pour tous et sans danger pour la santé et l'environnement. Alors plus concrètement, nous développons des technologies pour réduire la consommation, mais aussi nous développons des matériaux écologiques alternatifs. Et surtout, nous prenons soin à ce qu'ils ne puissent jamais présenter le risque de finir un jour en particules fines, même dans 100 ans. Et les matières alternatives, c'est quoi? Alors, ces matières alternatives... Partons d'un emballage plastique, peut-être sur un exemple. Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme autre type d'emballage sur le même produit? Alors, nous développons des matériaux qui ressemblent à du plastique, mais qui ne le sont pas. Ils sont issus de matières de biomasse végétale. Ils sont capables de réintégrer le cycle naturel du carbone, c'est-à-dire qu'ils sont biodégradables en conditions naturelles, et ensuite, ils peuvent être régénérés par photosynthèse. Et aussi, chose importante, nous souhaitons ne pas développer des matériaux qui puissent empiéter sur les ressources alimentaires de la planète. Et donc, les matières premières sont uniquement des résidus que l'agriculture ou l'agroalimentaire ne valorise pas par ailleurs, comme des eaux de lavage, des eaux de lavage des huileries, des sarments de vignes, ou encore certaines pailles, etc. Alors, il y a cet aspect développement, mais évidemment ça suffit pas. En fait, notre plus grand défi, c'est de maîtriser la balance risque-bénéfice, et puis surtout d'arriver à communiquer ces informations de façon claire. Et donc, par exemple, nous développons, à l'image du Nutri-Score, un éco-score pour éclairer et guider le consommateur vers des emballages qui soient plus sûrs pour notre santé et notre environnement. Et enfin, un point très important, c'est que nous faisons vraiment l'effort de coordonner toutes nos activités à l'échelle internationale et notamment avec la Chine, car il n'y aurait pas de sens à mettre en place des actions sur le long terme pour la gestion des déchets plastiques, car bien évidemment ces déchets ne vont s'arrêter ni à nos côtes, ni à nos frontières. Et puis la Chine étant le premier producteur mondial, pas forcément plastique, de matières manufacturées. Tout à fait, donc, et ce fut aussi pendant longtemps la première terre d'accueil de nos déchets. Donc, aussi. Donc on ne peut pas faire sans la Chine, c'est évident. Non, ça n'aurait pas de sens. Quels sont les secteurs où le plastique est le plus présent aujourd'hui encore, les secteurs d'activité? Quasiment tous, en fait. Mais non, mais il y en a partout, je crois que vous l'avez bien démontré. Voilà, bon. Après, peut-être celui qui nous pose le plus de problèmes actuellement, c'est celui des plastiques à courte durée de vie. Et donc là, évidemment, c'est essentiellement les emballages alimentaires, puisqu'on va les utiliser quelques heures. Des fois, ça va très très vite. Et puis surtout, on peut les retrouver beaucoup plus facilement dans les décharges. On s'inquiète beaucoup moins des domaines d'application, d'utilisation des plastiques, où les plastiques sont stockés pendant un temps très long, comme par exemple dans les matériaux de construction, ou dans les avions, ou dans les voitures, etc. Mais n'empêche que le problème, il est le même. Une fois que, par exemple, ils ont été utilisés pendant 20 ans dans une maison, ce plastique, il deviendra un déchet, on ne saura pas quoi en faire. Sur la table de ce studio, il n'y a pas de bouteille en plastique, il n'y a pas de verre en plastique. Vous voyez, il y a un verre en carton et de l'eau prise à la fontaine, mise dans une bouteille en verre. Et voilà. Je vous en félicite. Bon, c'est quand même la moindre des choses, j'allais dire. Mais bon, c'est un geste facile. Hein, un peu. Alors, c'est parce vrai. Que, mais j'en reviens à l'argument un peu pervers, même totalement pervers des fabricants qui disent, mais oui, donc on fabrique des choses en plastique, mais c'est à vous d'être responsable, vous, les consommateurs. Est-ce que ce genre d'argument fonctionne encore, tellement il paraît gros? Parfois, plus c'est gros, plus ça passe, hein, mais est-ce que ça fonctionne encore, ça? De moins en moins, bien entendu. Après, c'est vrai qu'il y a aussi, le consommateur a sa part de responsabilité à prendre dans sa consommation et dans la gestion de ses déchets. Mais il est bien évident que les industriels ont aussi une énorme part de responsabilité à prendre. Après, on peut pas non plus leur en vouloir entre guillemets outre mesure. Je vais pas me faire l'avocat du diable, mais le poids des acteurs économiques est énorme. Tous les efforts de notre société sont tournés vers la performance économique et la consommation. Et nos gouvernants sont élus pour répondre à ces impératifs. Donc, du coup, les acteurs les plus puissants de notre société, qui sont les acteurs politiques et industriels, travaillent avec leurs propres horizons, qui sont à 3 à 5 ans. Okay. Et on sait très bien que ces horizons ne sont pas compatibles avec les enjeux à long terme environnementaux. Et en plus, ce sont des gens qui ne sont pas formés à ces enjeux-là. On se souvient de René Dumont, candidat écologiste, le premier d'ailleurs à l'élection présidentielle de 1974. Ce monsieur qui avait commencé son spot de campagne en disant « Voilà, là j'ai un verre d'eau, l'eau, mesdames, messieurs, c'est extrêmement précieux. » Alors on l'a regardé, on dit « Il est bien ce monsieur-là, mais bon, c'est pas l'urgence, quoi, ce qu'il nous dit. » Alors avec le plastique, on peut penser que c'est exactement la même chose, qu'on a produit sans jamais se poser de questions. C'est faux. Quand même, certains se sont posés des questions, et les bonnes questions. La preuve avec cet extrait que nous allons écouter d'une émission télévisée de 1973, intitulée « Les plastiques déchets de l'an 2000 hein, ». Il y a 45 ans déjà, on disait ça. Non mais c'est intéressant, la question de la responsabilité des déchets faisait débat. Bah écoutez. Qui est responsable de cette pollution? Celui qui fabrique le matériau de base? Celui qui produit l'emballage? Écoutez, nous sentons comme tout le monde attristé, mais est-ce que vous pensez que si vous trouvez un vieux matelas ou un vieux sommier dans la nature, vous considérez que le producteur de sommier est responsable? Est-ce que quand vous voyez une vieille voiture rouillée sur la voie publique et abandonnée, vous dites que c'est le constructeur qui est responsable de cette production? On vous reproche de faire un matériau qui n'est pas biodégradable, c'est-à-dire que la nature n'avale pas, ne digère pas facilement. Pourquoi? Eh bien, écoutez, monsieur, dites-vous bien que nous avons mis beaucoup de temps à étudier des matériaux qui ne se dégradent pas, toutefois de plus en plus protecteurs, de plus en plus résistants, de plus en plus légers également. Et la matière plastique est intervenue pour participer à ce service qui consiste à apporter aux consommateurs des matières de plus en plus modernes pour lui permettre de protéger les aliments, de protéger les autres produits qui font le bien-être de la vie. Et c'est pour cela que nous avons étudié des matières résistantes. Ce n'est donc pas un défaut d'être résistant, nous pensons avant tout que c'est une qualité. Alors c'est saisissant parce que le fond ressemble à ce qu'on pourrait dire aujourd'hui. La forme, on sent bien que c'est une façon de parler des années 70, donc nous sommes bien en 73. Qu'est-ce que ça vous inspire? Oui, c'est vrai que ce plastique est un matériau un petit peu hybride qui est beaucoup plus résistant que les matériaux organiques classiques et qui se comporte d'une façon très très particulière, notamment une fois qu'il est mis dans l'environnement. Bon, tout ça, on peut en discuter pendant des heures, c'est très très intéressant, c'est passionnant, les raisons pour lesquelles on est devenu complètement accro et pourquoi ce plastique a pris tant de place dans notre vie quotidienne. Après, par contre, je pense que là où il faudrait maintenant prendre nos responsabilités, c'est sur le devenir à long terme. Vous avez donné des exemples sur ces perturbateurs endocriniens où au départ on s'est dit la dose fait le poison, on s'est concentré sur cette toxicité à court terme et puis on a relevé la tête et on s'est dit mais attendez... On peut avoir aussi un effet à très long terme et voire même transgénérationnel. Eh bien, les déchets de plastique, c'est pareil. C'est comment dire? On se focalise sur les déchets visibles alors que les petites particules issues de la dégradation des déchets plastiques menacent de contaminer tous les compartiments de notre planète puisqu'on commence déjà à en trouver un petit peu partout. Or, vous l'avez dit, plus de 8 milliards de tonnes de plastique usagées ont été enfouies, ce qui correspond quand même à une tonne par personne. Alors, C'est toujours un petit peu compliqué à comprendre quand on parle de déchets qui sont déjà enfouis, qui ont été enfouis par nos parents, par nous, mais il y a très longtemps, donc on préfère les oublier, et qui toucheront nos arrière-petits-enfants, à qui l'on n'ose même pas penser, que l'on n'ose même pas faire exister en rêve, car le plastique, ça met 100 à 200 ans pour se dégrader en petites particules, et donc c'est un grand écart dans le temps qu'il nous est très difficile de conceptualiser, je crois. Et du coup, eh bien, cette responsabilité-là, quelque part, on botte, on touche. Voilà. Et tous les acteurs bottent en touche, y compris les acteurs industriels. Alors que c'est eux qui devraient nous prouver l'innocuité de ces matériaux dans 50 ou 100 ans. Bien sûr. Donc vous avez parlé de Rich, qui a mis les industriels face à leurs responsabilités en disant c'est vous qui devez prouver que les matériaux que vous mettez sur le marché sont exempts de danger. Mais moi je dis danger, ok, là on parlait du danger vis-à-vis de la santé du consommateur, mais aussi du danger vis-à-vis de l'environnement et de la santé du consommateur via l'environnement bien sûr, et même si c'est du très long terme. Donc moi j'ai envie de demander à tous ces industriels qui ont là, que vont devenir ces milliards de tonnes de déchets plastiques en décomposition, comment pourraient-ils disparaître, comment nous serons protégés quand ils atteindront ce stade de micro et nanoparticules de façon massive, comment est-ce qu'ils pourraient ne pas véhiculer des contaminants, parce que vous avez parlé aussi des contaminants contenus dans le plastique, mais je tiens à préciser quand même que ce plastique, c'est aussi une éponge, c'est-à-dire un plastique qui va se balader dans l'environnement, il va interagir avec tous les contaminants qu'il va trouver et se charger en contaminants. Lorsqu'il arrivera dans notre assiette, nous aurons les contaminants avec. Voilà. Donc, je suis pas en train de... Là aussi, je suis en train de noircir. Je suis en train de noircir le tableau, mais moi, je crois que pour trouver une solution, il faut être bien, bien lucide sur les problèmes et qu'on ne peut pas chercher des solutions si on ne l'est pas. Voilà. Alors, donc on a bien compris que plastique et recyclage, ça forme pas un couple qui fonctionne. En revanche, on parle de décyclage. C'est quoi le décyclage? Vous pouvez m'expliquer la différence? Alors voilà, donc moi c'est vrai que je préfère parler de décyclage parce que le recyclage, en fait, peut-être qu'il faut quand même expliquer qu'au niveau européen, en 2015, il y a eu un plan d'action pour la croissance économique durable et qu'en 2018, on a mis en place la stratégie européenne pour une économie circulaire du plastique. Qu'est-ce que ça veut dire, une économie circulaire du plastique? Voilà. Ah, donc l'idée, c'était de dire on va sauver la planète, puisque le problème, c'est qu'on produit énormément de déchets, et ces déchets s'accumulent. Donc si on est capable de les recycler en matière première, ça veut dire qu'on fera un cercle. Tout ce qu'on utilise va être réutilisé, etc. Comme le fait la nature avec les déchets organiques. Biodégradation, photosynthèse, etc. Le cycle du carbone, il est merveilleux. Et donc, du coup, on s'est dit, on va recycler le plastique. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas défini ce que voulait dire recycler. Or, par recyclage, on entend essentiellement une réutilisation. Alors, le meilleur recyclage qui existe, c'est celui du PET. Je ne peux pas être accusée d'être anti-recyclage. J'ai travaillé pendant 15 ans à l'EFSA pour promouvoir ce recyclage. J'ai participé à la directive recyclage de l'Europe. J'ai co-signé plus de 100, 150 autorisations de mise sur le marché de PET recyclé, etc. Mais du coup, j'en connais bien les limites. Pardon, PET? Polyéthylène terephthalate, ce sont les bouteilles en plastique, la plupart des bouteilles en plastique que vous utilisez. Mais donc j'en connais bien les limites, c'est-à-dire qu'on peut recycler, là le meilleur recyclage c'est une fois, deux fois, etc. Trois fois, allez, puis de toute façon on le mélange toujours avec du vierge, puis on est obligé de faire des traitements pour le repolymériser parce qu'il s'est dégradé, enfin c'est pas simple, ça a un coût aussi environnemental et ça ne concerne qu'un pourcentage très limité des plastiques. Tout le reste, on parle de recyclage en réutilisation. Bon. Voilà. Mais... Et alors du coup, après... Bah, oui, le décyclage, là. Ces plastiques décyclés, parce que ce sont des plastiques qui sont dégradés. D'accord. D'accord. Ce sont des plastiques qui ne retrouvent pas leurs propriétés d'origine, parce qu'on ne sait pas le faire. D'accord. Et ça, c'est inhérent à la matière, à la nature du plastique. Donc, tous ces plastiques décyclés, qu'est-ce qu'on en fait? Il va falloir trouver, lorsqu'on est en train de le développer, c'est très bien, mais qu'est-ce qu'on va en faire? On va trouver des marchés. Il va falloir les trouver, ces marchés. Et ce qui se passe actuellement, c'est qu'il y a pas mal de bonne volonté. Avec notre grand cœur, on va aller chercher ces marchés auprès des pays qui en ont besoin. Et donc, du coup, on a pas mal d'initiatives où on essaie de refiler, entre guillemets, ces plastiques qu'on appelle recyclés, mais qui sont décyclés, pour fabriquer des matériaux de construction dans certains pays africains, des pavés de route, etc. Mais du coup, on élimine des matériaux naturel, entre guillemets, qui ne posait pas de problèmes environnementaux, comme le bois, comme la terre, comme l'argile, etc. Donc, ce que je voudrais dire, c'est qu'avec le recyclage, on ne fait que déplacer dans le temps le problème. Alors, les déchets. Alors, c'est mieux que rien, en attendant de trouver la solution miracle, c'est mieux que rien. J'ai bien compris. Mais il faut bien avoir conscience. Alors, on peut aussi être coercitif, après tout. On va écouter un extrait d'un reportage de France 3 sur l'interdiction, justement, de certains objets en plastique, l'interdiction de vente par l'Union européenne. L'Union européenne dit stop. Dans son viseur, une dizaine de produits à usage unique, comme les cotons-tiges, les couverts à pique-nique, le matériel de pêche ou les pailles. Ils concentrent à eux seuls 70% des déchets marins. L'Europe veut donc les interdire. Cela signifie que vous ne verrez plus de coton-tige en plastique dans les rayons de vos supermarchés. Mais tous ces produits en plastique ne vont pas disparaître. Ils seront simplement faits en d'autres matières. La France prévoyait déjà d'interdire les cotons-tiges en plastique en 2020. Selon la Fondation MacArthur, dans 30 ans, les océans compteront plus de plastique que de poissons si rien n'est fait. Des bioplastiques. Vous pouvez me parler des bioplastiques. C'est une bonne idée ou c'est une fausse bonne idée? Puis qu'est-ce que c'est d'ailleurs? C'est une des solutions. Alors de nouveau, je vais revenir sur ces problèmes de définition. Alors rapidement, parce qu'il nous reste 50 secondes, c'est court. Ah, hein. Définition des termes, les bioplastiques, ils peuvent être biosourcés, biodégradables, etc. Bon, ouais. Je vais aller droit. Bonne solution ou pas? Ouais. Oui, c'est une bonne solution s'ils sont biodégradables et issus de ressources non alimentaires. Exemple. Exemple, par exemple, les polyhydroxyalkanoates. En voilà un exemple. Oui, mais c'est ça. En français, c'est quoi? Les poly... c'est un objet, c'est quoi? C'est biopolyester. Oui, ça ressemble à du plastique. C'est comme du plastique. Alors, ou alors, tous les emballages à partir d'amidon. Par exemple, les matériaux, les petits sachets très souples qu'on retrouve là pour mettre les fruits et légumes, etc. Là, ce sont des bioplastiques qui sont biodégradables en conditions naturelles. En tout cas, vous avez raison pour en parler des heures. Il se trouve que là, on a une heure dans la France sensible. Mais merci beaucoup. Merci à vous. Et à bientôt sur une thématique comme celle-là. Au revoir. C'était Affaires Sensibles, une émission en partenariat avec l'INA. Merci aux documentalistes de Radio France. Affaires Sensibles, une émission que vous pouvez réécouter, podcaster sur franceinter.fr.